It's nuisances, nuisances on Canal Sud. Canal Sud. Canal Sud. 92.2 FM ou canalsud.net. C'est nuisance. Nuisance. L'émission qui nuit au sens. Sans sentiment. Ni pas ni ma. Nana muscari. Ni pas ni ma. Nana muscari. Bordel de merde, fais un mix! Thank you. Félicitations, c'est un Cyprien. Yeah. Scrognagneux, pas content. Pas content, Scrognagneux. Scrognagneux, pas content. On n'est pas content, Scrognagneux, pas content. On n'est pas content, Scrognagneux.

incrémenté. On est rien criminel. À foutre. Je suis un criminel. Un criminel. Criminel. Chose. Je paye à tout le monde. Incrémenté. On est rien à foutre. Je suis un criminel. Un criminel. Ouais. Criminel. Chose. Je paye à tout le monde. Incrémenté. On est rien à foutre. Je suis un criminel. Un criminel. Ouais. Criminel. Chose. Incrémenté. On n'a rien à foutre. Je suis un criminel. Un criminel. Ouais. On est criminel. Je suis chose. Tout le monde. Incrémenté. On n'a rien à foutre. Je suis incrémenté. Un criminel. Ouais. On est criminel. Je suis chose. Tout le monde. Incrémenté. On n'a rien à foutre. Je suis incrémenté. Un criminel. Ouais. Criminel. Thank you.

14h, c'est l'heure des ports. Il n'y a jamais trop de boulot en chemin. On va aller chez Leclerc, pour dépenser Chut, maintenant, on va écouter une histoire, les petits enfants. Alors l'histoire, c'est un ourson qui est en peluche, et un jour, son papa, il lui achète un blé. Et le blé, eh ben, il le revend à la bicyclette. Et la bicyclette, elle se demande, mais est-ce que tu veux du thé ? Écoutez une histoire, les petits enfants. Tu sais, alors l'histoire, c'est un ourson. Elle était skiée en peluche. Et un jour, son papa, il lui achète un blé. Tu ne sais pas, tu ne savais pas, maintenant tu le sais. On te l'avait jamais dit. Elle se demande, mais est-ce que tu veux du thé ? Écoutez une histoire, les petits enfants. Tu sais, alors l'histoire, c'est un ourson. Tu ne sais pas, tu ne savais pas, tu le sais, on te l'avait jamais dit. Elle se demande, mais est-ce que tu veux du thé ? Écoutez une histoire, les petits enfants, tu sais, alors l'histoire, c'est un ourson. Elle était schizophrène, un jour, son papa, il lui achète. Tu ne sais pas, tu ne savais pas, tu le sais, on te l'avait jamais dit. Elle se demande, mais est-ce que tu veux du thé ? Écoutez une histoire, les petits enfants, tu sais, alors l'histoire, c'est un ourson. Elle était schizophrène, un jour, son papa, il lui achète. Tu ne sais pas, tu ne savais pas, tu le sais, on te l'avait jamais dit. Elle se demande, mais est-ce que tu veux du thé ? Écoutez une histoire, tu sais, dans l'histoire, c'est un ourson. Elle était schizophrène, un jour, son papa, il lui achète. Tu ne sais pas, tu ne savais pas, tu sais, on te l'avait jamais dit. Elle se demande, mais est-ce que tu veux du thé ? Écoutez une histoire, tu sais, dans l'histoire, c'est un ourson. Elle était schizophrène, un jour, son papa, il lui achète. Les trous avec un bouche-trou, voilà. Le temps avec l'espace. Ce qui coule, justement, ceux-là sont du groupe. Jouant un jeu de choses scellées, à déceler, puis de nature de la morte absence qui en retourne ailleurs. D'une forge intemporelle que je suis issu. Intemporelle, car avant le temps, l'on ne peut être. Ou plutôt, l'on ne que pourrait être. I am the wall and nothing can be said. Parce que je vois les choses. Je te promets, l'énergie avec la masse, c'est sûr. D'ici de maintenant, les herbes voilées sont nées. Beauty is in the eye of the blind, the pretty, pretty in yours, transitioning. The clear luminous clarity. Claire, quelle est cette clarté-là? Lumière, maestro. Light, master, to light not this contraption you offer your followers, you sick brain. Le fatidique blé noir rougeoie le fer blanc quand je meurs de souffrance, douleur. Je suis triste. Avant l'après, qu'est le tout actuel, il ne pouvait y avoir, hormis dans un autre ensemble de sous-systèmes. C'est-à-dire que la fin touche au début, c'est ça que ça veut dire. Je meurs de souffrance, douleur. Je suis triste. Can you hear avant me? L'après, qu'est le tout peur. Actuel, il ne peur pouvait y avoir, tristesse hormis dans un autre ensemble de sous-systèmes. De l'antre de trésor. C'est-à-dire de que la fin touche au début, sorte c'est cuisses ça. De Jupiter, on est en travers, de souffrance, douleur. Je suis triste. Je ne me déçois pas. Can you hear avant me? L'après, qu'est le tout peur. Actuel, il ne pouvait y avoir, tristesse hormis dans un autre ensemble de sous-systèmes. De trésor. C'est-à-dire que la fin touche au début, sorte des cuisses de Jupiter, on est en travers, merde. De souffrance, douleur. Je suis triste. Je ne me déçois pas. Can you hear avant l'après, c'est le tout actuel. Il ne peut pas être tristesse par un ensemble de sous-systèmes et de trésors. C'est-à-dire que la fin touche au début, sorte des cuisses de Jupiter, on est en travers, merde. De souffrance, douleur. Je suis triste. Je ne me déçois pas. Can you hear avant l'après, c'est le tout actuel. Il ne peut pas être tristesse par un ensemble de sous-systèmes et de trésors. C'est-à-dire que la fin touche au début, sorte des cuisses de Jupiter, tourner en travers de souffrance, douleur. Je suis triste. Je ne déçois pas. Pendant la tristesse actuelle, une petite tristesse ensemble de soucis et de trésors. C'est-à-dire que la fin touche au début des cuisses de Jupiter tournées en travers de souffrance, douleur. Je suis triste. Je ne déçois pas. Pendant la petite tristesse actuelle, une ensemble de soucis. Douleur, je suis triste, je me déçois. Plein de soucis. Douleur, je suis triste, je me déçois. Plein de soucis. Douleur, je suis triste, je me déçois. Vous allez tous crever en enfer. Vous allez tous crever en enfer. Vous allez tous crever en enfer. Vous allez tous crever en enfer. Vous allez tous crever en enfer. Vous allez tous crever en enfer. Ils rêvent tous que faire. Tu peux, non? Vous allez tous crever en enfer. Ils rêvent tous que faire. Tu peux, non? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Ouais. Trop marrant, c'est trop fort, bien. Ouais, joyeux anniversaire, connard. Ouais. Trop marrant, c'est trop fort, bien. Ouais, joyeux anniversaire, connard. Ouais. Non, c'est pas marrant. Il y a quelque chose que je voudrais dire. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Foutre. Foutre rien. Que j'en ai rien à foutre. Foutre. Oh, foutre. Quelque chose que je voudrais dire. Foutre. J'en ai rien à foutre. Foutre. J'en ai rien à foutre. Foutre. Foutre rien. Que j'en ai rien à foutre. Foutre. Oh. knowledge. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence à 21h tous les vendredis et qui finit à 23h tous les vendredis. De 21h donc à 23h sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM Toulousain ou sur www.canalsud.net. Effectivement, l'émission Nuisance n'est pas responsable de ses actes et dire car l'émission Nuisance est un acte à lui-même symboliquement impur et complètement fatidiquement stupide. Canal Sud est bien sûr responsable légalement, mais il n'en a que faire de l'émission Nuisance qui fait que battre son plein de merde toute la journée à force de rien à foutre. Je vous encule tous. Responsable légalement, mais il n'en a que faire de l'émission Nuisance qui fait que battre son plein de merde toute la journée à force de rien à foutre. Je vous encule tous. Tu crois quoi toi, hein? Ah ouais! tu crois quoi, toi, hein? Si t'es d'accord avec moi, tape dans ta tête. Les hommes, c'est assez plus constant. L'Apocalypse selon saint Jean, première partie. Dieu remet à l'agneau les destinées du monde. Première étape des sept sceaux. Apôtre Jean. J'eus ensuite une vision. Une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parler comme une trompette me dit: monte ici que je te montre ce qui doit arriver par la suite. Un trône était dressé, un arc-en-ciel autour du trône, 24 sièges entourent le trône. Du trône partent des éclairs, des voix et des éclairs. 7 lampes de feu brûlent devant lui. Autour du trône se tiennent 4 vivants constellés dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les dieux et les de tout, il était, il est et il vient. Les 4 vivants, phares, étoiles, illuminent notre chemin de la naissance à Bethléem, de la jeunesse à Nazareth, de l'entrée à Jérusalem, de la mort au bois de la croix. Les 4 vivants, jour et nuit, vont répétant « Saint le Seigneur » et disant « Dieu, maître de tout, il était, il est, il vient ». Les quatre vivants prophétiques annoncent la fin du calvaire, la résurrection de Jésus, la puissance de son amour, la révélation de l'alpha, l'apparition de l'oméga. Les quatre vivants jour et nuit vont répétant saint le Seigneur et disant « Dieu maître de tout, il était, il est et il vient. » Dieu est l'agneau du haut de la remise des destinées du monde. Le trône de jaspe et de coralline, la mer cristal scintillant à son pied, l'arc-en-ciel d'émeraude coruscant, les sept lampes des sept esprits de Dieu, 24 vieillards tous couronnés d'or, prosternation, adoration, amour. Tu es, ô notre Seigneur et Dieu, digne de recevoir gloire, honneur et puissance, Créateur inspiré de l'univers, il n'était pas encore, tu le créas. Livre roulé des derniers temps. Non, c'est pas une version. Le point de vue est un luxe qu'on ne peut s'offrir quand ça remplace, l'observation ça et la constatation des faits. C'est ta version. Non, c'est pas ma version. C'est un luxe qu'on. Non, pour moi, c'est pas une preuve. Remplace pour l'observation moi, et la constatation des faits. C'est ta version. Non, c'est pas ma version. C'est un luxe qu'on. Non, pour moi, c'est pas une preuve. Remplace l'observation et la constatation des faits. C'est ta version. Non, c'est. Je suis pas forcément d'accord avec vous les gars, je trouve qu'il y a moyen de faire encore plus de bruit comme ça tranquillement sans vraiment en rajouter. Bref, il bosse dans le développement de satellites militaires. On n'est pas obligé de le préciser, mais. C'est top secret. C'est top secret. C'est vraiment top secret. top secret. On n'est pas obligé de le préciser, mais c'est top secret. C'est vraiment top secret. Top secret. On n'est pas obligé de le préciser, mais top secret. Deadline. Top secret. Deadline en 2019. Top secret. Deadline en 2019. C'est là le drame de la situation. Mégahertz. Blondin a oublié d'acheter un gâteau pour sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle a plus de dents. Défense nationale. Alors s'il achète pas le gâteau et qu'il lui fait, eh bien elle va se casser le reste de sa mâchoire. Défense sur nationale. Le gâteau tout dur qu'il aura fait pour sa grand-mère. Défense parce qu'il nationale. Aura pas acheté un gâteau tout mou pour sa grand-mère grand. Oh, va yeah. se casser le reste de sa mâchoire. Défense sur nationale. Le gâteau tout dur qu'il aura fait pour sa grand-mère. Défense parce qu'il n'aura pas acheté un gâteau tout mou pour sa grand-mère grand. Oh, yeah. Va se casser le reste de sa mâchoire. Défense sur cause le come. Gâteau qu'il aura fait pour cause sa grand-mère qu'il aura pas acheté. Grand-mère grand. Yeah. Le reste de sa mâchoire. Défense sur le gâteau. Cause I come. Il aura fait pour cause sa come from. Grand-mère grand. Cause I come from. Alors, on repart à zéro maintenant. On recommence à partir de maintenant. Bip, bip, bip, bip. Maintenant, bip. C'est fait. Défense nationale. Défense nationale. Défense nationale. C'est fait. Défense nationale. Arrête défense nationale. Arythmie. Arrête défense nationale. Cause I come from. Arrête défense nationale. Les déglingos. Arrête défense nationale. Les déglingos. Arrête défense nationale. Les déglingos. Arrête défense nationale. Where's the shit at? Arrête défense nationale. Les déglingos. Arrête défense nationale. Where's the shit at? Cause I come from the same motherfucking head. Les déglingos. Arrête défense nationale. Where's the shit at? Cause I come from the same mother. Les déglingos. Arrête défense. What? Motherfucker. Cause I. Nicotinique. Nico. Ouais, c'est clair. C'est vrai, non? Nicotinique. Ouais, c'est clair. Trêve, ouais, trêve. Trêve de plaisanterie. Nicotinique. Ouais, c'est clair. Trêve de plaisanterie. Nicotinique. 24 000 les bas. Ouais, c'est clair. Trêve de plaisanterie. 24 000 les bas. 24 000 les bas. Ouais, c'est clair. Trêve de plaisanterie. 24 000 les bas. 24 000 les bas. Ouais, c'est clair. Trêve de plaisanterie. La ragazza della mozzarella. 24 000 les bâches. Ouais, c'est clair. Trêve de plaisanterie. La ragazza della mozzarella. Ma che faccia? 24 000 les bâches. Ouais, c'est clair. Dai, dai, arriva alla conclusione che tutto è nulla. Che tutto è caos. Caos. Caos. Non parla italiano. La conclusione che tutto è nulla. Che tutto è caos. Caos. Non parla italiano. Ma che faccio? Tutto è nulla. Che tutto è caos. Caos. Caos. Non parla italiano. Ma che faccio? Tutto è nulla. Che tutto è caos. Caos. Caos. Non parla italiano. Ma che faccio? Tutto è nulla. Che tutto è caos. Ferrari, Ferrari. Caos. Non parla italiano. Ma che faccio? Tutto è nulla, che tutto è caos. Ferrari, Ferrari. Caos. Ma che faccio? Tutto è nulla. Caos, caos, caos. Ferrari, Ferrari. Smoke your ass. Smoke your ass. Smoke your ass. Smoke your ass. Yeah, yeah, welcome on the class. Smoke your ass. Smoke your ass. Smoke your ass. Smoke your ass. Cause I come. Yeah, welcome on the class. Smoke your ass. Smoke your ass. Smoke your ass. Cause I come. Cause I come. Un peu de sérieux, calmez-vous, c'est pas la peine de crier comme des oufs, hein, franchement. Breakdown. United States of America. Mais la France est libre. United States of America. Breakdown. Mais la France est libre. La France est libre. Of America. Breakdown. Mais la France est libre. Hell, the motherfucking LSD. Of America. Breakdown. Mais la France est libre. Where do you come from? Ah merde, ça l'ambiance. Where do you come from? Ah merde, ça l'ambiance. Where do you come from? Ah merde, ça l'ambiance. Bangladesh. Where do you come from? Bangladesh, Bangladesh. Vas-y, Bangladesh. Bangladesh. Toujours la Desh ou Bangladesh. À Beyrouth, en déroute pour un. Vas-y, Bangladesh. Hey, j'aimerais bien t'y voir à bouffer des galettes de terre. Toujours la Desh ou Bangladesh. À Beyrouth, en déroute pour un. Vas-y, Bangladesh. Hey, j'aimerais bien t'y voir à bouffer des galettes de terre. Toujours la Desh ou Bangladesh. Oblige des bédaves, des kilos de coco. Sorry, mate. Tu veux de la coque? J'ai plein de coque. Suck my coke. Suck my cock. Sorry, mate. Tu veux de la coque? Ma coque. Free coke for everybody! Suck my coke. La coca, la coca, la coca, la coca, la coca, la coca, la coca, free coke for everybody. La coca, la coca, la cocaïna, la cocaïna. Comment tu pourris ton truc? Comment tu fous la misère microphonique? Nama mishteru, nama mishteru. Hi, hi. My beating the new hey. New hey is my tune and hey. What you fuck with him? Hi, hi, hi. My beating the new hey. New hey is my tune and hey. What you fuck with him? Tune it up. Hi, hi. My beating the new hey. New hey is my tune and hey. What you fuck with him? Tune it up. Hi, hi. Ma béton la nuit, hey. Ma béton la nuit, hey. Ma béton la nuit, hey. Ma béton la nuit, hey. Ma béton la nuit, hey. Non mais vous vous rendez pas compte, je veux dire, on est quand même en train de se moquer des Asiatiques ouvertement. Je me moque pas, moi, je me moque pas, yo, je me moque pas, yo, c'est toi qui te moques, je me moque pas, là, je me moque pas, là, c'est toi qui te moques. Vous incitez la violence et la rébellion. Y'a pas de violence, y'a pas de violence, y'a que des singes, y'a que des singes. Je me moque pas, y'a, c'est toi qui te moques. Je me moque pas, là, c'est toi qui te moques. Vous incitez la violence et la rébellion. Y'a pas de violence, y'a pas de violence, y'a que des singes, y'a que des singes. Je me moque pas, y'a, c'est toi qui te moques. Des orangs-outans. Wu-Tang.

Ouais, il est bon, il est bon. Consider they that mourn his children suffer here. Consider they that mourn can't take any KAD. His children suffer here. No more KAD, no more. Consider yes. They that mourn can't take any KAD. His children suffer. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui donne sens, l'émission de toutes les nuisances, qui ce soir bat son plein avec un fatras d'immondice, comme c'est l'habituel, sur 92.2 Nuisance n'en a rien à foutre. Nuisance n'en a rien à foutre de rien. Nuisance n'en a rien à foutre. Nuisance n'en a rien à foutre de rien. Nuisance n'en a rien à foutre. Nuisance n'en a rien à foutre de rien. Nuisance n'en a rien à foutre. Nothing is pink. Nuisance n'en a rien à foutre de rien. Nuisance n'en a rien à foutre. Nothing is pink. Nuisance n'en a rien à foutre de rien. Pink. Nuisance n'en a rien à foutre. Nothing is pink. Nuisance n'en a rien à foutre de rien. Nothing is pink. Nuisance n'en a rien à foutre de rien. Pink. To communicate is the beginning of understanding. My name is Michael. I like you, Jim. To communicate is the beginning of understanding. My name is Michael. I like you, Jim. To communicate is the beginning of understanding. To communicate is the beginning of understanding. My name is Michael. Is the beginning of understanding. My name is Mr. Kuna. Lame. My name is Mr. Kuna. T'as tes bons boulards, tes concours, tes photos, tes reportages et une aventure. Ah, les années 70-80. Couscous, couscous, voilà, voilà, foncièrement raciste. À la viande, aux légumes, au poulet. Le couscous, tiens, rien à faire, c'est déjà prêt. Ça fait quoi? Ça le fait quoi? Ça fait quoi? Ça le fait quoi? Ça le fait quoi? Ça fait quoi? Ça le fait quoi? Ça le fait quoi? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Sinon, tu vas le faire. Shut the fuck up. Revêtez cette robe blanche et immaculée. Votre retour nous offre une traité de triomphe. Revêtez cette robe. Je ne mange pas de graines. Votre retour nous offre une traité de triomphe. Hippie, rentrez dans votre pays. Je ne mange pas de graines. Votre retour nous offre une traité de triomphe. Hippie, rentrez dans votre pays. Je ne mange pas de graines. Hippie, rentrez dans votre pays. Je ne mange pas de graines. Hippie, rentrez dans votre pays. Je ne mange pas de graines. L'Oméga ne viendra qu'après et sous l'Alpha. Les martyrs. Oh, maître saint et vrai. Nous sommes arrivés, nous allons contempler, nous voulons triompher. Kein Problem. Woher kommst du denn? Unsere Herzen sind aus Stahl. Venez, venez, venez, venez, Sieg. Venez, venez. Venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, ouais, y'a intérêt. Eh oh, non, non, eh oh, j'existe, hein, les gars. Oh, oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Ouais, d'accord, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, faites tourner, les gars. Ah, ok, j'arrive. Enfin, non, que dalle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, faites tourner, les gars. Ah, ok, j'arrive. Enfin, non, que dalle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, dis-moi, ouais, tu veux que je te ramène un plateau. Ah, ok, j'arrive. Enfin, non, que dalle. Venez, venez, venez. Venez. Excusez-les, ils savent pas ce qu'ils font. Venez, on est bien. Ils sont trop cons. Venez, venez, venez, venez. Venez. J'avais une belle surprise. Et j'avais un joli petit jouet et du bon chocolat. Venez. Voici Kinder. La surprise, le jouet et le bon chocolat. Venez, venez, Kinder Surprise, venez, tout leur désir venez, dans l'heure. Venez. Impossible d'avoir de la reverb. Non. Non, non. Attends. Impossible d'avoir de la reverb. Alors, on va essayer de discuter de la nomenclature. Donc, ce soir, au micro, moi-même, qui vais tenter. qui va tenter donc de vous décrire donc exactement la situation actuelle, précisément, absolument et de façon complètement claire. Elle n'est pas terrible, il faut avouer que la clarté manque, donc on va peut-être essayer de faire un peu de lumière sur cette donc situation, comme je disais, le modus operandi, donc le mode opératoire étant donc l'explication. L'explication, si je me permets de vous reprendre, qui repart sur les bases de l'argumentation, qui se compose donc du coup d'axiomes qui sont définir comme étant les prédicats de la phrase à construire. C'est ça. Les apophthegmes, on peut dire peut-être quelque part. Apophthegmes, bien sûr. Ouais. Mais il ne faudrait pas retourner la conjoncture pour que l'auditoire soit annihilé par les questionnements induits par la réponse. Par la réponse qui serait donc du partant du signifiant, donc n'est-ce pas, donc pas le signifié, quoi, à comprendre. Relativement à la sémantique actuelle, l'étymologie du mot sémantique, justement, veut dire le sens donc, que l'on trouve dans les phrases, dans les mots, tout ça étymologiquement parlant, donc toujours dans l'histoire des faits jusqu'à maintenant, à présent, ici, en ce même lieu que nous sommes aussi bas sur Terre, alléluia, mes frères et sœurs. Nous allons donc vous expliquer exactement ce qui se passe, maintenant, à présent. Alléluia. La métrique des mots, c'est pareil, figure-toi. C'est le sens des termes qui se construisent l'un après l'autre pour réussir à exprimer une idée. Une idée qui part sur des postulats a priori construits dans l'esprit. Moi je crois en rien. D'avant. Je crois en rien. Ah, moi je crois, j'ai pas besoin de croire puisque je suis sûr effectivement de. Je travaille 35 heures semaine. Tout à fait. 35 heures semaine, c'est ça. C'est ça. Mais la question est justement. Moi je vous comprends pas. Les heures. Non mais je cherche pas à comprendre. Il faut bien sûr se rappeler que de nos jours la seconde est atomique. Nucléaire. Bien sûr. Nucléique. Voilà. C'est calculé par rapport à la vibration des atomes. C'est le temps universel pour les cons. Ouais, c'est le phénomène ondulatoire pour les cons. C'est maintenant la seconde. Et présent, on peut calculer la 28 demain, puissance 10 en fait, chiffre après la virgule. Après la virgule. C'est-à-dire, voilà. Et en fait, en cela, demain, il est capable, il est possible de compter les secondes jusqu'en revenant à l'origine du Big Bang. Jusqu'en arrière, quoi, je veux dire. Pas comme si. L'écho du ciel profond. Compter le nombre de secondes par rapport à la vibration de chaque nucléon. C'est ça, c'est cosmologique. Le phénomène actuel de la grève des éboueurs est un phénomène cosmologique. Je crois qu'il est temps de parler d'antimatière. Ouais, antimatière, parlons de positrons, tiens d'ailleurs. Et en parlant des anions et des cations. C'est pas assez élégant. Non, ça fait. Ça ressemble un peu à Prout sans le U, quoi, positron. Positron, ça me fait penser à un vieux tube des années 80. Hein. C'est le tube de positronique, Renault. Positronique. Ah, je croyais positronétron. Positronique. Positronétron. Avec une masse qui ne colle pas avec la matière noire. Ça ne colle pas. La matière non baryonique. Oui, madame, je trouve vraiment vous avez entièrement raison. Hein. Vous avez entièrement raison, je vous rassure. Hein. Bon, maintenant, on va laisser les hommes parler parce que c'est plus important pour nous, les hommes, de parler que pas. Quoi. Moi aussi, c'est pareil. J'en ai des énormes et elles sont pas. Ouais, mais sont-elles à l'extérieur? Non, c'est nul. Désolé, c'est mieux d'avoir des couilles à l'extérieur parce que c'est bien connu. Un homme qui ravale ses couilles n'est plus vraiment un homme. Parce que les hommes sont des gros cons. Mes protubérances, elles sont devant, forcément. Elles sont dedans. Pour vous cacher, tout le temps vous cacher. Ouais, parce qu'on se cache. On se cache même. Arrête de parler de rable. On n'a rien dit. Amazon Gozé. On n'a rien dit. Là, je peux pas le faire, ça. Je suis pas un homme. C'est une finesse. Je suis une merde. Je peux puer du cul si je veux. Tu peux me toucher les tétons ou... Ouais, tu peux, si tu veux. Et rien sentir. C'est pas radiophonique, mais... Si, ça sent fort. Non, mais si, c'est radiophonique. C'est pas grave. Genre, parce que là, je suis en train de me caresser le nombril. Ah ouais. Et je descends le plus bas de mon ventre. Profitons-en qu'il n'y ait pas encore des caméras. Vers au niveau du pubis. En fait, et là, je suis présentement en train de m'arracher le poil. Attends, c'est un peu douloureux. Ah voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, ces poils, c'est vachement utile. Parce qu'il faut savoir que les poils de la bite sont en fait très épais. Suffisamment épais pour que s'ils sont suffisamment longs, on peut se nettoyer les dents avec. Comme un fil dentaire. Accessoirement, ça servir comme corde de piano. Voilà. Alors par contre, pour les cours de piano, c'est possible. Mais il faut les tresser les unes après les autres. Comme un fil dentaire. Accessoirement, ça servir comme corde de piano. Alors par contre, pour les cours de piano, c'est possible. Mais il faut les tresser les unes après les autres. Bienvenue en enfer. Accessoirement, ça servir comme corde de piano. Alors par contre, pour les cours citoyens, il faut les tresser les unes après. Alors, je fais partie d'une association qui offre des épilations et des rasages gratuits pour les personnes qui ont des poils au niveau du rectum trop longs. Je fais partie du fait que des fois, lorsqu'ils se nettoient les fesses après cette torchée, ont des poils qui leur rentrent à l'intérieur de l'anus. Donc, notre association lutte contre cela. Et donc, du coup. Non, en fait, ce sont des poils autour du rectum qui rentrent dans l'anus après s'être essuyé les fesses avec du papier toilette. Et pour première consultation, le peeling est offert. Voilà. Notre association est ouverte pour les hommes et les femmes parce que ce problème d'intériorisation des poils existe devant et derrière. C'est-à-dire devant. Par l'anus et par l'urètre. Pour les gens qui ont vraiment des tout petits pénis. Dans la roue des vélos. Oui, à l'intérieur du prépuce et des fois même à l'intérieur du vagin. Prépuce gonflé. Oui, et des fois, ça certaines femmes, vous me direz qu'ils ont des poils trop longs, ont des fois des poils qui rentrent à l'intérieur et c'est très désagréable. C'est très désagréable. Et les hommes, je trouve qu'ils sortent. Ils sortent et puis ils sont longs et puis ça devient des cheveux avec lesquels on peut faire des dreadlocks. Alors vous vous retrouvez avec le pubis. Ah non, le pénis. Punissez-vous. Le pénis punicificateur. Oui. Pénis dreadlocks. Ouais, pénis dreadlocks. C'est les nouvelles coupes super tendance à New York. C'est les athébas au niveau du pubis. Ouais, alors si tu veux athébas avec des tresses, on peut les colorer, on peut les décolorer également. Et figurez-vous que pas plus tard que ce matin, j'ai rencontré une demoiselle en stop, une vieille dame, enfin moitié, qui en fait c'était une esthéticienne spécialisée, qui pratiquait du maquillage permanent. C'est-à-dire que c'est sous forme de tatouage, mais on voit comme si c'était. Ça prend l'apparence de vraiment de. Ça peut être du rouge à lèvres, ça peut être du fard à paupières, mais de manière permanente. Ce qui fait que le matin, quand on se lève, on a une gueule de pute gratuitement. Genre sans prendre du temps à. Sans se laver. Oui, voilà. Et bon, il faut éventuellement essuyer le visage, mais. Mais c'est-à-dire que c'est un gain de temps énormément pour les personnes qui se maquillent régulièrement, c'est un gain de temps énorme. Et je crois que c'est comme pour les nibards, tous les 10 ans ça se renouvelle. C'est véridique. Ce que je raconte c'est complètement vrai et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il faut vraiment être complètement con, je pense, pour se maquiller, genre, pour toujours. Ouais, con et complexe. C'est fini. Vouloir l'avoir en permanence. Ouais, voilà. Genre en mode... Mais c'est pas possible quand t'as toi. Je vais gagner du temps. C'est de l'art tribal, ils ont piqué ça aux tribus. Il est nana végétarien. Ouais, mais là, non. Non, mais là, c'est maquillé comme une pute, mais en mode tatouage. Mais on vous écoute. C'est le caucasien qui a pris les quoi. Se mettre du plastique et du silicone, ça fait de la grosse basse, ça c'est pas mal. C'est de l'arthrose, ça grince. Il va falloir oublier ça, Jacqueline. Du huile. Ah voilà, je crois que c'est bien réglé. Oui, donc c'est un appel pour toutes les végétariennes qui souhaiteraient se faire refaire les seins. Je trouve que ça colle pas. Voilà. On va dire ça colle pas. Mais il existe du silicone végétal qu'on peut refaire pour gagner du volume. Mettre à l'intérieur des mamelons et c'est végétal. Et c'est les chirurgiens du 16e qui font ça? Non, alors c'est du 16e arrondissement. À Paris, il y a des trucs. Alors c'est bio par contre, c'est bio. C'est des aiguilles en poils d'hérisson. On vous met un liquide directement dans la peau quoi. Ouais, voilà. On met pas de prothèse. Il faut savoir que tous les instruments sont bio. Fait à partir du coup par contre de bambou, voilà. De bambou et de rosier de bambou et l'intérêt de tout ça c'est que en fait aucun animal n'est n'est blessé pendant l'opération ou nécessité pour œuvrer l'opération à tel point que même le patient devient un légume pour éviter tes seins et ben ils sentent les algues et puis après ben du coup t'attires les ça, animaux c'est plus au niveau du vagin. Tu vois t'attires les animaux les moules, ils sentent les seins et puis après ils se retrouve, il déchiquette tes seins comme ça. Alors faut pas se mettre du silicone bio, parce que c'est fait en cellulose, tout ça, ça se dégrade. Il y a des mauvaises odeurs, Sinon, il existe aussi du silicone minéral. En fait, on prend des galets et on les met à l'intérieur de la poche des mamelons, et ce qui fait que ça tient et ça reste solide toute une vie. Et c'est asymétrique. Bien sûr. Mais ce sont des formes parfois géométriques, artistiques, et qui peuvent servir d'armes de défense dans des cas de... et, ou d'alter même pour le sport, pour les plus motivés. Et alors t'imagines une lanceuse de poids qui s'est fait foutre des galets dans les pectoraux. Elle s'entraîne toute la journée. Non mais attends, elle peut avoir un déchirement du sein, et en fait elle peut faire double score comme ça. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, il y a un double, ouais. Si c'est, non, c'est un double galet, comme ça, ils peuvent. Tu sais, c'est un peu comme au vélo. Comme au vélo, quand ils mettent des moteurs dans les vélos, on les voit dans les pentes, on les voit. Ils pédalent comme ça, ils pédalent. Oui, bon, bah, écoute, ils font pas l'effort. Hein. Et ben, bah, tu vois, les lanceuses de poids, bah, bientôt, elles vont être incitées à quoi? Et bah, frauder. Voilà. Et c'est comme ça, c'est comme T411 qui ferme sur Internet. C'est ça, c'est la censure. C'est qui tes quatre? Le dopage, quoi. C'est le torrent, c'est le film libre pour la plupart des pauvres. C'est une bibliothèque multimédia, quoi. Oui, mais il en existe plein d'autres. Bah, aussi avant des francophones, franchement, non. Quoi. Ouais, ouais. On trouvait vraiment des trucs genre que tu trouves nulle part. Oui, il n'y avait pas du porno bien connu. Si. Non, mais il y avait plus que ça, tu vois. Il y avait genre des vieux films des années genre 70 ou des trucs que des mecs s'étaient cassé le cul à coder, exprès, ouais. Tu vois. Bon, après, dans le torrent, le truc, c'est qu'on ne peut pas choper par exemple des films qui seraient apparus au film du cinéma grolandais comme à Toulouse, quoi. Il ouais. n'y a pas ce genre de cinéma indépendant. Mais, du coup, vous considérez que du coup, la fermeture de ce site, c'est un peu comme cramer la bibliothèque de Babylone. Je pense que c'est liberticide par rapport à l'accès à la culture. Ça, c'est très grave parce ouais. que bon, payer un film 5 ou 10 euros, c'est quand même quelque chose. Et surtout quand on est collectionneur ou cinéphile. Quoi. C'est vrai, quand tu connais l'histoire, c'est la SACEM quoi, qui a... Ils en mettent plein les fous. Oui, non, mais voilà, ouais, ils font que ça. Quoi. Le pire, c'est que ce qui dérange, c'est la SACEM et ce n'est pas les artistes. Parce que les artistes, ça les arrange. C'est là où vont les artistes, pour déposer genre, leur copyright ou un truc comme ça, non? C'est ça, faire leur droit d'auteur. Et c'est là, du coup, que eux vont demander des droits, enfin, vont demander des comptes aux gens qui utilisent leur contenu. En fait, c'est en cas de diffusion que ça devient intéressant pour l'artiste. Mais c'est que si c'est une superstar, quoi. C'est que s'il passe 15 fois. Comme le Boléro de Ravel qui passe toutes les minutes là, toutes les secondes, je crois. Ça, ils vont avoir les boules quand ça va tomber dans le domaine public. Ça va être bientôt ce que c'était les coiffeurs qui gagnaient du fric avec ça, les coiffeurs de Ravel. Coiffeurs. Ça, c'est héritier. Allez-y, parlez, vous vouliez parler tout à l'heure, vous vouliez dire de la merde. Bah allez-y, dites de la merde. Vous êtes pas content? Eh ben allez-y, dites de la merde, j'en ai rien à foutre, moi. Il y a des syndicats, il y a des quotas pour dire de la merde, oui. On est là pour dire de la merde. Да ебануть, о чем ты со мной говоришь? Это вообще неправда. А я сам, Луи, тебе говорю, не надо, больше не надо, блядь. Конечно, конечно. J'ai rien compris, j'en ai rien. Moche, moche. Водка для тебя. Ça n'a rien changé, il y a toujours personne au micro, mais... Mais putain, mais c'est la merde ici, quoi. Вот так вот, больше не надо. On a tué le poulet. On a encore tué un keuf, ce soir. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Oh non, oh non, oh non. Les trucs grivois, les voies de quartier, les voies de rue. Bon. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Ça c'est la sorcière de A B C D E F G H I J K L. N O P Q R S T U V. Ça c'est la sorcière de A B C D E F G H I J K L. N O P Q R S T U V. Ça c'est la sorcière de A B C D E F G H I J K L. C'est Bob le bricoleur. Tchuss. Salut. Salut. Bonne soirée. Qui c'est? Tu sais, on va voir. Lisa? Ça va? We'll be right back. equal justice and opportunity for all. Soldier, President, American. Status, crime and violence, famous transvestite. The United States Supreme Court has described it as dirt or dirt sick. We describe it as dirt or money sick. Homosexuals, lesbians, abnormal sex. Thank you. pas tout doux. We'll be right back. Thank you.

La vérité, ça fait un quart d'heure que ça tourne comme ça dans le vide et que j'en ai rien à foutre, j'en ai aucun respect pour vous ni pour personne, parce que ben, nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, donc le sens c'est évidemment de ne pas respecter les gens, parce que sinon respecter les gens ce serait du non-sens, n'est-ce pas? Et bien justement, ben, on joue sur le non-sens ici, donc nuisance se respecte pas, voilà. Ensuite c'est 21h-23h, les horaires de nuisance, quelque chose à ajouter peut-être? Il est minuit, donc on a dépassé largement le 21h-23h. Vous avez eu plus que pour votre argent. Ouais, vous n'avez pas payé d'ailleurs, parce que vous ne cotisez pas à Canal Sud, parce que c'est une association à loi 1901 à but non lucratif. Et donc, vous n'en avez rien à foutre, exactement. C'est exactement ça que j'allais dire. On vous entend très bien, là. Voilà, très très bien. Sachez que vos récepteurs font émetteurs aussi. Ouais, ils font. Et ils ne sont pas téméraires, vos émetteurs. Ils émettent exactement, enfin, ils vous diffusent exactement ce que nous avons émis dans vos petites oreilles. Et donc, attention à vos oreilles, parce que maintenant, les sornettes sont finies. Il n'y a bien que de fidèles, hein. Ouais, et pas que de lorgnettes, hein. Parce que franchement, à force de lorgner des sirops de crevettes, on se demande à quoi sert le pain. Le pain messianique de la nouvelle ère du fric. Ouais, du fric, ouais. Ou le pain parasol aussi. Ouais. Ouais, le pain parasol aussi, et le fric. D'accord. Bon, bah maintenant que Papa Noël sait ce qu'on veut pour Noël, et ben on va arrêter, hein, parce que l'émission Nuisance, l'émission Nuisance, c'est pour le fric, et rien d'autre que le fric. ouais, c'est ça, ouais. Smoke. Ouais. Et ben voilà. Allez, adieu, bande de nazes. Vous êtes foutus d'avance. Allez tous vous faire enculer. Adieu.